Alpha et Gigi vieux, qui dit mieux, je suis l'homme invisible, même si les semelles de mes yézides brillent de mille feux et plus. Je déguste des flics au lieu avec des mille et des mille feuilles avec des filles connues. Nick se faire étouffer par le train-train, les instrumentales. Je l'échoue d'instinct, je cherche l'air douce. Le flou, c'est les linges, bien. Certains se croient lourds, mais y'a rien du tout. Ce sont des douze et je suis un 5-20. Je trouve qu'ils s'allègent tous. Si la clique de Philippe flingue bien, tu vas voir ta pouf disparaître. Pouf, disparition. Rien ne m'arrête, à part ma putain de paresse et mon addiction. Je sais pas ce que ta fratrie t'a appris. Chez nous, on se serre les coudes en cas de friction. Flo, j'y lève, négro, j'y vais. Je suis pas dans la légende, mais les OG plaident pour mon admission. I'm gone. I'm gone, I'm gone. Négro, quand je smoke ma weed, je prends de l'âge. C'est pas le nom de ma vie qu'on prend du poids. Les jours passent de plus en plus vite, je prends de l'âge. Si c'est une étrange scotrie, tu sors de l'âge. Pareil qu'on est plusieurs dans ma tête. Je me prends la tête, mais pour finir en tête. Depuis le temps que je me tâte, vous étiez censé vous faire la masse. Maintenant c'est pile ou face et je tombe pile ou faut faire face. Et puis fuck les états d'âme, man. C'est quoi l'emblème, faut que je les baffe pour qu'ils m'invitent, hein. Négro, mes paroles restent courtes, mais en disent long car mes phases. Même sans réseau, je gagne mon pain. Tu fais pige, on part en crâne, je pose des kilomètres. Tu vois le truc, tu vois le machin. Parfois j'ai les attitudes de monsieur farfelu. Tu stack, j'évolue, mais je taffe comme un chinois, man. On passe sur des grandes choses, tu causes comme un an-man. Je pense que faire les choses avec toi, t'essaies sortir en majeur. Je coule pas, je connais les limites comme un maître nageur. Je suis validé, tu vois l'idée. Je suis sous-estimé, alors t'es surestimé, man. Fuck. How? I'm gone. I'm gone. I'm gone. Négro, quand je smoke ma weed, je prends de l'âge. Tu connais le nom de ma vie, qu'on prend du poids. Les gens passent plus en plus vite, je prends de l'âge. Si c'est une étrange scotie, tu sors du cache. Un peu d'avance, même quand mes rimes leur foutent la honte. J'ai la nonchalance d'un stoner, l'insolence scénique d'un ponte. Newbanoms, trois couleurs, Nixon player pour la montre. Fly 89, et là tu crois que je me la raconte. Mais non, trop simple, quand on me reconnaît, j'acquiesce. Je suis investi dans ce rap et je veux la monnaie de ma pièce. Réinspire, t'expire, Shakespeare, Macbeth. J'attire de fausses pires qui retournent leur veste. Mais bon, la vie c'est la comédie, y'a des larmes. Chaque morceau est déclamé comme un monologue. On a parlé, mon gars, j'ai beau être réclamé. Il est rare de me voir métallique. Des rimes, j'en ai plein des cas. Cette année je vais les faire détaler. Back to the topic. Rester prolifique. Jeezy Phillips, Philly Pink. Si je taffe que de profit, ils pourront que faire sauter mon statut d'anti-héros. Date d'exposition, je te la vole comme Carmen Sandiego. Wow.